Chapitre 19e. Le lendemain, le jeune musicien revint de sa visite, à la fois battu et content. Il était admis par grâce à suivre les cours du conservatoire comme auditeur, afin de se pénétrer de l'importance de la méthode, et le célèbre professeur lui avait déclaré qu'il ne savait rien, que tout était à recommencer depuis l'ABC de la musique. « Pense un peu, Victor, recommencer tout depuis le commencement. » Il a dit que c'est bien pire que si je n'avais rien appris. Mais je ne le crois pas, par exemple. Il me l'a dit pour m'empêcher de me croire trop savant. Mais si à mon âge je ne savais rien, ce ne serait pas la peine de m'y mettre. Un certain contentement perçait à travers le désappointement de Demian. Il avait deviné, sous les paroles décourageantes du maître, la certitude de son talent naissant. Ce seul fait d'avoir été admis à écouter les cours pendant les 2 mois de classe qui restaient à s'écouler était par lui-même un encouragement, et le jeune homme l'avait compris. C'est ce que lui dit M. Roussoff quand il lui fit part de l'aventure, et à la satisfaction de son protecteur, Demian se sentit confirmé dans l'idée qu'on attendait beaucoup de lui s'il voulait travailler. Ce n'est pas le travail qui effrayait notre ami. Sa nature rêveuse et indomptable s'était tout à coup pliée à la nécessité de l'effort continu. Son père eût été bien étonné de voir combien ce garçon, si revêche aux joues de la maison paternelle, s'était assoupli sous la discipline qu'il s'était imposée à lui-même. Il n'eût pas manqué de se récrier sur l'inconstance des caractères en général, et en particulier sur la perversité de son fils, qui consentait maintenant à subir toutes les remontrances, alors que chez lui, il n'en supportait aucune. C'est en effet avec une grande philosophie que Demian accepta les quolibets des élèves du conservatoire, qui le regardait comme une bête curieuse, et les remarques caustiques du professeur qui, à tort ou à raison, passait pour posséder le sarcasme le mieux aiguisé de tout Moscou. Il subit non seulement avec une résignation stoïque, mais avec une sorte d'enthousiasme ascétique, les humiliations de tout genre que lui attirait sa position d'élève non classé, et même, au bout de quelques jours, il trouva cette vie charmante, plus sans doute en raison de ce qu'elle lui promettait, que pour ce qu'elle lui offrait déjà. L'époque des examens arriva. Demian fut reçu avec toutes sortes d'admonestations et de remarques ironiques de la part de son professeur, mais il était reçu, et cette idée lui faisait pousser des ailes. Il régala encore une fois Victor d'une sérénade de sa composition, mais, était-ce l'influence des leçons journalières ou une disposition d'esprit spéciale, il n'atteignit pas les hauteurs éthérées qu'il avait abordées le jour qui avait décidé de son sort. « Je ne sais ce que j'ai dit, » dit-il à son frère. « Ce que je joue ne vaut rien. »« Eh bien, Demian, tiens-toi à tes leçons, cela vaudra mieux en attendant. » Le conseil de ce mentor fut suivi ponctuellement, et pendant les mois d'été, la petite masure auprès du chemin de fer ne résonna plus que d'exercices acrobatiques exécutés par Demian sur toutes les cordes de son instrument. « Ah » soupira-t-il de temps en temps, « si j'avais seulement un violon passable. » Victor soupirait aussi, plus profondément peut-être. Mais la gaieté revenait bientôt dans leur intérieur, et même ils étaient parfois si folâtres que le petit gris, devenu avec les mois un chat presque sérieux, ne condescendait pas toujours à partager leurs ébats, les trouvant au-dessous de sa dignité féline. André avait pris à gré ses nouveaux voisins, que d'abord il avait voulu connaître, un peu par curiosité, un peu par bonté d'âme, et un peu aussi pour jouir de sa supériorité sur eux. On a beau être revenu de bien des erreurs sociales et professer la philosophie la plus stoïcienne, on est toujours bien aise de pouvoir faire dire à quelqu'un « Voilà un homme d'esprit. Ce quelqu'un fut-il votre bottier, votre boulanger, ou la dame qui vous vend un cigare au bureau du coin ?» André vivait depuis si longtemps avec des êtres si absolument différents de lui par leurs mœurs, leurs goûts, leur niveau intellectuel, qu'un peu d'amour-propre lui était bien permis. Au bout de quelques jours, il avait trouvé du plaisir dans la société de Demian, et une sorte de tendresse s'était révélée en lui à l'égard de Victor. Il l'avait pris en pitié pour son infirmité et en affection pour son caractère bon enfant. Cette tendresse était devenue bien vite de l'estime. La profonde abnégation de ce pauvre être que son infortune eût pu rendre morose et quinteux, la simplicité avec laquelle il s'était retranché, pour ainsi dire, du monde des vivants, se jugeant tout au plus bon pour les rôles de comparse, l'avait touché jusqu'au fond de l'âme. André savait que les hommes vraiment bons sont rares et méritaient qu'on leur élevât des statues sur les places publiques, qui ne seraient pas encombrées, disait-il. Au lieu de se divertir au dehors comme il le faisait jadis, après avoir infructueusement essayé une fois ou deux d'entraîner nos amis dans un café, en promettant de se charger de la dépense, il avait pris l'habitude de partager leur thé le soir, ou de leur faire partager le sien. Ce petit cénacle à trois entendit énoncer des propositions bien bizarres pendant le long hiver de stage que fit Demian avant son entrée au conservatoire. C'est peut-être la haute portée de ces entretiens qui mûrit avant l'âge le caractère de Petit Gris, là d'entendre moraliser sur son cas personnel ainsi que sur celui de beaucoup de pipèdes. Toujours est-il que vers 9 heures, on était presque sûr de trouver les trois amis autour de la table, le samovar à une extrémité et le chat à l'autre faisant pendant. L'été avait enfin fait son apparition, torride, poussiéreux, faisant tirer la langue aux chiens errants, presque aussi nombreux à Moscou qu'à Constantinople, et donnant aux gens peureux des cauchemars effroyables, où l'hydrophobie jouait le principal rôle. La petite maisonnette de bois s'écaillait au soleil. « Elle prendra feu un de ces beaux matins, » disait André, qui sortait de temps en temps pour s'assurer qu'aucune fumée insolite ne s'exhalait encore du toit. « Mais on se chauffe gratis, et la propriétaire est contente. » Les trois amis trouvaient cela charmant, et Petit Gris encore bien plus. Étalé tout le jour à l'endroit le plus exposé aux rayons du soleil, il en perdait le boire et le manger. Tous les soirs, André le retrouvait sur sa fenêtre, ivre de lumière et de chaleur. « Il sent le roussi, il est plus qu'à moitié cuit, » disait le luthier en le prenant par la peau du cou pour le remettre sur ses pattes. « Ce doit être un chat qui a inventé le soleil, et qu'il enseigne aux hommes avec l'art d'attraper les souris. Les religions peuvent se perfectionner en se transformant, mais on n'a encore rien trouvé de supérieur au chat en ce qui regarde les souris. » Victor s'était accoutumé à ses boutades et souriait de bonne foi sans trop comprendre parce que Demian riait. Celui-ci avait attrapé un peu du tour d'esprit de leur ami, et Victor le comprenait presque toujours, ce dont il était extrêmement fier. D'ailleurs, il trouvait plus d'esprit à son frère qu'à n'importe qui sur le globe, étant donné principalement que sur le globe il ne connaissait qu'un nombre infiniment restreint de personnages. Un soir, plus brûlant encore que les autres, au moment où André, rentrant avec Victor, annonçait qu'il serait propre à faire du café le lendemain, parce qu'il était horrifié, Demian, rentré avant eux, leur montra par la fenêtre une enveloppe carrée. Ils pressèrent le pas et s'approchèrent du jardinet pour apprendre plus vite les nouvelles. « Victor, dit le jeune musicien, figure-toi que notre sœur se marie et que le père nous invite à la noce. « Et moi, on ne m'invite pas ? Disait André. Il se tut brusquement et étendit le bras pour retenir Victor, qui avait bel et bien failli tomber à terre. « Qu'est-ce que c'est ? Une faiblesse, une pâmoison ? Comme disaient les marquis français du XVIIIe siècle. Des vapeurs, comme disait la grande Catherine. Tout en parlant, il avait saisi Victor par le collet avec une force extraordinaire. Il avait plus porté que conduit dans la chambre, au risque de l'étouffer avec sa cravate. « Merci, » dit Victor d'une voix douce, quand il eut repris haleine et qu'il se fut assis. « C'est la joie, voyez-vous. La joie de voir ta sœur se marier, grand Nigo. « Non, pas cela, cela m'est égal. C'est-à-dire, ça me fait plaisir, mais... »« Oui, je connais cela. Ça te fait plaisir, mais ça t'est bien égal. La plupart des choses qui nous font plaisir ici-bas rentrent dans cette catégorie-là. Quelle joie, alors ?»« Revoir le père, » murmura le jeune homme, « et il nous invite. C'est qu'il n'est plus fâché. Oh, Demian, est-ce que tu n'es pas content ?» Ses mains serraient fiévreusement celles de son frère, et ses yeux noyés de larmes de joie cherchaient son regard. « Oui, je suis content, » répondit Demian avec un bon sourire. « Je suis très content, d'abord parce que le père nous invite, et qu'en effet c'est qu'il n'est plus fâché, et puis parce qu'il va voir un gendre qui travaillera pour lui et qu'il pourra se reposer. » « C'est cela, mes amis, » fit André, qui les regardait les bras croisés avec une certaine moiteur dans son humble faïence, qu'il n'eût pas voulu avouer pour un empire. « C'est très gentil. Mais savez-vous ce que vous gagnez à cela ?»« Un beau frère, » hasarda Demian en souriant. Il était vraiment touché, encore plus de la joie de Victor que pour son propre compte. « Vous y gagnez la plus noble indépendance, mes amis. à partir du jour qui verra les noces fortunées de votre sœur, l'allocation paternelle de 10 roubles par mois passera au rang des choses qui furent et qui ne saura plus être, parce qu'elles ont cessé d'exister, telles que les vieilles lunes et les bougies consumées jusqu'à l'extrémité. Pourquoi ? Fit Demian, un peu ahuri par ces paroles prophétiques. Naïveté des belles âmes ! Est-ce que vous enverriez 10 roubles par mois à votre beau-frère ? Je n'en sais rien, mais ce n'est pas lui qui les envoie, c'est mon père. Et du jour où il aura pris possession de la cure, qui est-ce qui en touchera les revenus ? Lui, naturellement, répondit Demian, avec moins d'assurance, car il commençait à comprendre. Eh bien, mes amis, mangez beaucoup des victuailles paternelles à ces noces splendides. Tâchez de vous faire des provisions pour l'hiver sous forme de graisse et de chair succulente, car vous serez réduit l'an prochain à vos propres ressources où je ne suis plus qu'un âne. Cela ne se peut pas, s'écria Victor, recouvrant la parole. Le père ne nous abandonnerait pas. Vous l'avez bien abandonné, mes bons amis. Les deux frères baissèrent la tête à cette parole, si cruelle dans sa concision. Et remarquez bien, mes chers enfants, que je ne vous dis pas cela pour vous faire de la peine. Vous avez le droit de me faire une scène et même de m'appliquer des épithètes désagréables. Je ne le prendrai pas en mauvaise part, étant donné la circonstance. Je vous le dis parce que c'est ainsi que les prêtres marient leurs filles, quand ils n'ont pas de fils ou quand ceux-ci ne veulent pas leur succéder. Si la jeune demoiselle n'avait pas été aussi impatiente de subir le joug du mariage, vous auriez pu vous trouver à flot au moment où la pénible nouvelle vous serait parvenue. Elle brûlait de se donner un maître. Je le regrette pour elle encore plus que pour vous, mais il n'y a rien à y faire. Vous allez probablement trouver que votre père a eu tort. Eh bien, non pas. Il est dans son droit, d'abord, et ensuite, on ne peut résister à un gendre qui va vous débarrasser de votre fille. Je sens, moi, André Ladoff, que si j'avais une fille et qu'il se présentait à un gendre... Voyons, mes enfants, ne prenez pas un air si lamentable. Vraiment, il n'y a pas de quoi. Que faire ? Demanda Victor. Pendant que Demian, les sourcils contractés, subissait une de ces révoltes intérieures qui lui avaient procuré jadis la réputation d'avoir un caractère difficile. Acceptez de bonne grâce votre nouvelle situation. Ne pas faire de récrimination, qui, entre autres torts, aurait celui d'être parfaitement inutile. Allez même, si l'effort ne vous coûte pas trop, au-devant d'un aveu qui vous serait très pénible pour votre père, et qui amènerait entre vous une tension désagréable. Lui déclarer que vous renoncez volontairement au sacrifice qu'il s'imposait pour vous, et que vous vous suffirez désormais à vous-même. Tu as raison, dit Demian, en relâchant ses sourcils qui retournèrent à leur place. Mais, objecta Victor, si André se trompe. Si je me trompe, tant mieux. Votre père sera content de voir que vous pouvez en effet vous suffire à vous-même. « Mais nous arrivons bien juste avec ce qu'il nous donne, » murmura timidement le jeune infirme, qui en sa qualité de caissier connaissait mieux les ressources du ménage. « Vous vous priverez un peu plus. Vous êtes trop heureux, mes amis. Vous ne connaissez pas la misère. Vous êtes des nababs en comparaison de ce que j'ai été dans un temps. N'est-il pas honteux d'accepter les pauvres 10 roubles de votre père, quand vous avez de quoi manger tous les jours et plusieurs fois par jour ? Savez-vous que dans ces 10 roubles-là, il entre plus de privations en un mois que vous n'en subissez en toute une année. Mais vous aimez vos aises, mettons que je n'ai rien dit. J'ai eu tort de me mêler de ce qui ne me regarde pas. » Il tournait les talons pour aller chez lui, un peu contrarié d'avoir à rabattre de la bonne opinion que lui avaient inspirée ses amis, quand Demian l'arrêta en lui mettant la main sur l'épaule. « Tu as raison, André, » lui dit-il. « Si nous avons continué à accepter cet argent, c'est que nous n'avions pas pensé combien le père le gagnait péniblement. Nous y renonçons de bon cœur, et dès aujourd'hui, n'est-ce pas, Victor ?»« Oui, frère, » répondit bravement celui-ci, électrisé par la grandeur d'âme de son puiné. « Heureusement, » conclut André, « que c'est aujourd'hui le 5, et que vous avez touché vos 10 roubles le premier. » On invite les gens, c'est très bien sans doute, et cela prouve un excellent naturel. Mais les véhicules coûtent quelque chose. En général, ils coûtent très cher. Nos amis tinrent une grande consultation sur les moyens d'aller à Gradovka et d'en revenir sans vendre leurs habits, chose également impraticable. Ils possédaient bien à peu près la somme nécessaire pour aller, mais avec quoi revenir ? Le père y a sans doute pensé, dit Victor, optimiste par tempérament. Et s'il n'y a pas songé ? Tu sais bien que nous n'avons pas encore pu rendre à M. Roussoff l'argent qu'il nous a prêté pour venir. Il n'y a pas à penser à lui en emprunter d'autres. » Le cas était fort grave, et les deux frères seraient restés dans un cruel embarras sans l'intervention d'André, pour lequel ils n'avaient pas de secret et qu'ils prirent pour confident dès sa première question. « C'est de l'argent qu'il vous faut, » dit-il en clignant son œil clair avec malice. « J'ai la chose. Combien vous faut-il ? Parlez, et nous sortirons d'ici la somme demandée. » Il frappait la poche de côté de son veston avec tant d'emphase que ses amis commencèrent par rire. Puis Damian dit d'un air incrédule, « Tu as de l'argent, toi ? Certainement. Je n'ai pas mis le pactole en bouteille, mais j'ai dans mon grenier quelques petites poires pour la soif. D'ailleurs, je suis propriétaire. J'ai des rentes, vous ne le saviez pas. » « Qui nous l'aurait dit ? » fit Damian, très surpris, pendant que Victor, les yeux écarquillés, regardait leur ami avec une vénération nouvelle et une stupeur profonde. « C'est trop juste, mes chers enfants, car je vous considère tous les deux comme des enfants bas âge, grâce à votre candide ignorance de la vie. Je possède sur le Don, tout près de son embouchure, un bien phénoménal immense que m'a légué mon oncle Cosaque, car j'ai du sang de Saporog dans les veines, et il n'y paraît guère, n'est-ce pas ?»« Non, pas du tout, » répondit naïvement Victor, songeant aux cheveux bruns et aux yeux noirs que la tradition attribue aux Cosaques du Don. « Ça n'empêche pas que j'en ai tout de même, mais probablement c'est tout à l'intérieur, au milieu. Ça doit être ce coquin de sang qui m'a joué le tour, que vous savez, quand j'étais étudiant. Nous disions donc que je possède un domaine immense, des berstes, mes amis, des verstes carrées de terrain, la steppe dans toute sa beauté. « Alors tu es riche ?» fit Damian, un peu froissé de savoir si tard qu'André était propriétaire. « Pas du tout. J'ai la terre, mais il n'y pousse rien, c'est-à-dire qu'il y pousse de l'herbe et des buffles, l'un mangeant l'autre. Des buffles, ce sont des biens, cela a une valeur commerciale. Oui, mes bons amis. Mais mon excellent oncle, qui me savait la tête chaude, ce coquin de sang, vous savez, m'a aussi légué un intendant pour protéger son bien contre mon incurie quand il ne serait plus. Je ne sais pas si l'intendant protège mon bien contre autre chose que moi-même, mais il habite ma maison, boit le lait de mes vaches, et m'envoie, bon an, mal an. » Il s'arrêta pour contempler la figure de ses amis, qui l'écoutaient, bouche béante, rit un moment et continua. 250 roubles argent en moyenne. Mais c'est un voleur ! S'écria Damian, pendant que le visage de Victor exprimait une compassion un peu ordinaire. Et non, c'est un brave homme à sa façon. Je crois qu'il a un enfant, fille ou garçon, je ne sais quoi. Il lui ramasse une petite pelote, tout doucement. Dans son idée à ce bonhomme, cela ne fait de tort à personne. Suivez mon raisonnement, ou plutôt le sien. Mon oncle est mort. C'est lui qui était possesseur. Moi, je ne suis qu'un héritier de Racro, un intrus. Mon oncle pouvait aussi bien léguer son bien au bonhomme qu'à moi. Donc il a commis une grave erreur en me préférant. Donc il n'y a ni crime ni délit à réparer l'injustice d'un vieillard quinteux qui s'est souvenu de moi bien mal à propos. Et la morale de tout ceci et que voilà 50 roubles que vous me rendrez quand vous pourrez. C'est une grosse somme, fit Damian avec hésitation. Mais Ladoff avait refermé son portefeuille d'un air si convaincu que le jeune musicien prit le billet de banque sans autre objection. Au bout d'un instant, il ajouta, « Dis-moi, André, si ma demande n'est pas indiscrète, comment il se fait que tu vives ici pauvrement, quand tu pourrais être mieux logé, mieux nourri ? « Alors, mon cher, je n'aurai pas d'argent à ma disposition pour me passer une fantaisie comme aujourd'hui. Et puis, à vrai dire, je demeurais ici, et j'avais peine à joindre les deux bouts quand cette fortune m'est inopinément survenue. J'y suis resté, et j'en suis bien aise puisque je vous y ai rencontré. » Le mardi suivant, les deux frères prirent la diligence. Leur bagage tenait peu de place, mais leur joie était aussi grosse qu'une montagne. Quand le véhicule eut franchi les dernières limites de Moscou, quand la route entra dans la forêt, cette éternelle forêt qu'on retrouve partout en Russie dans le voisinage d'une ville, grande ou petite, Damian parut sortir d'un rêve et se mit à rire. « Tiens, » dit-il à demi-voix, « j'ai oublié de parler de ce voyage à Caroline. » Ce fut tout ce qu'il accorda de regret à son aimable professeur d'allemand.